Y a Trunel dans la place. On doit se voir pour le troisième album, il me l'a promis. Moi je fais partout comme une bonne pomme. J'ai même lâché ma soirée meuble juste pour lui. Et à 11h, ouais gars, je suis au match chez toi. Cool, il a un peu de retard, mais ça passe, ça passera. Et là arrive un coup de téléphone magique. Je viens de rencontrer des meufs, tu m'attends, il faut que je nique. Le faux plan, ça se prévoit pas avant. Le faux plan, c'est meilleur au dernier moment. Le faux plan, ça fait grincer des dents. Le faux plan, ça s'entretient avec le temps. Et moi comme un bon blanc, j'attends ici bas. Vas-y, vas-y, que je lui dis ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire à part composer cette chanson? Ah oui, peut-être me mettre un petit doigt dans le fion. Le faux plan, ça ne se prévoit pas avant. Le faux plan, c'est meilleur au dernier moment. Le faux plan, ça fait grincer les dents. Le faux plan, ça s'entretient avec le temps. 3h du mat, je regarde 30 millions d'amis durs. Ça me rappelle ma mère qui m'attendait quand je faisais le mur. Tiens le v'là, si j'étais son père, j'aurais qu'un souhait, c'est l'engueuler. Mais je suis son pote, alors j'espère juste qu'il a chopé. Le faux plan, ça se prévoit pas avant. Le faux plan, c'est meilleur au dernier moment. Le faux plan, ça fait grincer les dents. Le faux plan, ça s'entretient avec le temps. Le faux plan, le faux plan, se prévoit pas avant. Le faux plan, quand tu pètes les faux plans. Au dernier moment, ça fait grincer les dents. Le faux plan, le faux plan.